Les cieux racontent la gloire de Dieu. L'étendue proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en instruit un autre jour. La nuit en donne la science sans fin. Ce n'est pas un langage qu'on peut entendre. Ce ne sont pas des paroles avec des sons. Mais leur voix parcourt toute la terre. Leur message atteint toutes les nations. Il a dressé dans les cieux une tente pour le soleil, comme un époux qui sort de sa chambre. Il se réjouit tel un héros dans sa course, et rien n'échappe à sa flamme tendre. Témoignage de l'Éternel est sûr, il rend sage le simple égaré. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur meurtri. Le commandement de l'Éternel est juste et parfait, plus désirable que l'or, le plus précieux, plus douce que le miel qui coule du rayon. Ton serviteur est éclairé par tes paroles, et une grande récompense est dans leur sillon. Qui connaît ses égarements secrets? Pardonne-moi ce que j'ignore encore. Préserve aussi ton serviteur des orgueilleux, qu'il ne domine jamais mon cœur. Alors je serai sans reproche, innocent de grands péchés, que les paroles de ma bouche que le miel pour toujours et maintenant.